mon pote Schlass. Hey, ça fait longtemps qu'on roule ensemble. La dernière fois qu'on a taffé, je crois que c'était Immobiliare. On a fait Gun Fever. Qu'est-ce qu'on va leur donner ce coup-ci? À la Wabar, c'est comme ça que je dis que Dieu est grand. Il est à l'origine de l'élément. Grand comment il a posé sa miséricorde sur les parents du jeune Massoc Luca Loïc Armand. 94, mathématiques, physique, allemand. Certes, mais mon instruction vient des rues ardentes où tu apprends à contempler, commenter, mais finis par compléter le tableau. C'est pas de la peinture, mais les grands maîtres ici s'appellent aussi Pablo. On nous donne donc très peu de chance de finir ingénieur en télécom, en science. Mais j'ai une bonne dizaine de potes qui ont contredit cette ambiance. Par exemple, mon sauce Raoul, qui est un mania de la finance. Il manipule des sommes monstres depuis les tours de la défense. J'aurais donc pu en être. En plus, à l'école, j'étais un génie. Dès que j'ai lâché, je suis devenu un gibier. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool, c'est la dope. Le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool, c'est la dope. Le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles. Je ne rappe plus un, c'est du jazz. Et les notes montent vers le ciel, illustrent la peine de ceux qu'on insulte sur terre. Parfois mes frères me surprennent, oui parfois ils comprennent. Ce qui me donne l'impression de devenir un ténèque suprême. Mais je reste ce petit LAL, violent rime, infanterie, minuterie. Parce que ces négros sont mes ennemis. Parle pas mais kill le flow, la rime, la symétrie. Tu te souviens de mes célèbres impros à l'hôtel de ville. Je mystifie le tourouan, colla le pote de Will. Mais je n'avais même pas composé sur Postcard de mille. Battle mode click, inestimable style. Négro t'as pas le niveau, t'es juste une autre bitch. Sors du gâteau, je m'absente une semaine de la ville. Et on blesse Freddy au couteau, ils ont tiré sur le Clio. Tif représaille et vise la tête haut. Pendant que mon maxi terrasse tout sur Paname, blow. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool c'est la dope, le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool c'est la dope, le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles. J'ai les stands pour cavaler, mais les church en coupe présidentielle. Pour mes jours en mode cavalier. LAL nigger est un mélange de bien et de mal, tel fruits et liqueurs dans un shaker. Avant je donnais mes blousons starter, mes maillots des Lakers. Mais la vie m'a rendu rare, appelle-moi Money Arm. Check un bon cœur bas sous ce polo Ralph. T'auras beau leur donner tes vêtements, mais tant qu'ils t'entendront sur phonographe. Ceux à qui tu passes tes plus beaux chronographes rêveront toujours te shooter comme des photographes. J'casse la côte des old schools et des roues qui montent ma côte pour les booking jeans. Bad bling, check. Mais juste clean pour mes shooting soft. Yes, j'ai compris, négro de Brooklyn. J'investis dans des Burberry's et Sharp et du textile de cadre pour mes rendez-vous de César Sharp. Linge Armani intégral à l'image de ses ambassadeurs braqueurs, mais ponctuel à la messe de 11h à la cathédrale. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool c'est la dope, le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles. Démarrage en coach, je monte pour le top. L'alcool c'est la dope, le flow fait monter la cote. Tant pis si je deviens célèbre. Je reste vrai pour des siècles et des siècles.